Si vous accomplissez une bonne action, si vous servez Dieu avec de bonnes motivations, il vous assure que vous accumulerez un trésor dans les cieux. Bonjour, les ministères En Contact, en collaboration avec Radio Espoir, vous présentent l'enseignement biblique de Charles Stanley. Si vous apprenez la lecture à un enfant, vous ne commencerez pas avec une encyclopédie. Et si vous apprenez la conduite automobile à un adolescent, vous ne commencerez pas avec une auto de course. Vous commencerez plutôt par les rudiments de l'apprentissage avec des outils adaptés à l'âge et au niveau de développement de votre élève. Pour nous, chrétiens, notre trésor constitue un outil de formation efficace pour notre développement spirituel. Une gestion financière avisée est une des nombreuses disciplines spirituelles que nous devons développer selon la volonté de Dieu en nous demandant où est notre trésor. Nous pourrons vérifier notre progression dans cet aspect de notre vie alors que Charles Stanley nous accompagne dans un retour aux sources. Certains aspects de notre vie doivent être soumis à une stricte discipline pour être amenés à l'obéissance à Dieu si nous voulons devenir les personnes que Dieu désire que nous soyons et si nous voulons le servir par l'accomplissement de sa volonté en nous. Nous avons déjà parlé des aspects de nos pensées, de notre temps, de nos talents, et nous avons abordé lors de la dernière émission le sujet de notre trésor. Nous terminerons aujourd'hui cette série. Lors de son passage physique sur la terre, Jésus a exposé sa volonté en ce qui concerne nos trésors avec clarté et précision. La Bible en a conservé un compte rendu dans le Sermon sur la montagne au 6e chapitre de l'Évangile selon Matthieu. Jésus nous rappelle l'importance de notre attitude vis-à-vis de différents aspects de notre vie, y compris nos trésors. Regardons Matthieu chapitre 6 en partant du verset 19. « Ne vous amassez pas des trésors sur la terre, où la teigne et la rouille détruisent, et où les voleurs percent et dérobent. Mais amassez-vous des trésors dans le ciel, où la teigne et la rouille ne détruisent point, et où les voleurs ne percent ni ne dérobent. Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. » Je demeure encore émerveillé par le nombre de choses importantes dites en si peu de mots par notre Seigneur Jésus-Christ. Ne vous amassez pas des trésors sur cette terre, mais dans le ciel. Considérons un moment nos trésors. Nos possessions dans la vie, précieuses à nos yeux, peuvent varier d'une personne à l'autre, et ce, presque à l'infini. Il peut s'agir d'une chose matérielle, d'un don ou d'un talent, peu importe. Mais il existe une façon de considérer nos trésors qui nous rapportera beaucoup, qui nous bénira au maximum et qui nous permettra de marcher devant Dieu avec obéissance. Mais avant d'en arriver à ce point, nous devons comprendre en quoi consiste une vision adéquate de nos trésors. Nous avons déjà dit que toutes nos possessions font partie de la catégorie de nos trésors. Il nous appartient maintenant de considérer nos trésors selon la perspective de Dieu, car elle seule est véritable, adéquate et importante. La parole de Dieu nous en donne clairement le principe « tout appartient à Dieu ». Dieu est le seul véritable propriétaire de toutes nos possessions. Tout lui appartient. Et une fois cette question réglée, la question fondamentale d'une perspective juste de nos trésors est également réglée. Nous devons donc premièrement comprendre et absorber un principe fondamental. Ce principe constitue la clé qui nous permet d'avoir une juste perspective de notre trésor. Tout appartient à Dieu. Nous devons ensuite appliquer ce principe fondamental à notre vie. Si tout appartient à Dieu, quelle est notre relation avec notre trésor? Eh bien, si tout lui appartient, notre trésor ne nous appartient pas. Nous sommes les gestionnaires de ce que Dieu a investi en nous. La personne qui dispose d'un budget de 4 $ par semaine est tout aussi responsable envers Dieu et de sa saine gestion que celui qui gagne 4 000 $ ou 4 millions par semaine. La taille du budget n'a aucune importance aux yeux de Dieu. Le principe demeure le même. Il faut être un bon gestionnaire. Si Dieu est le propriétaire de nos trésors, nous en sommes les gestionnaires. Nous devons reconnaître ce fait. Nous prendrons alors des décisions basées sur des principes bibliques et non sur des principes humains. Maintenant, nos trésors peuvent se trouver à deux endroits, la terre et le ciel. Considérez votre automobile, votre maison, vos vêtements. Pouvez-vous emporter votre automobile, votre maison, vos vêtements et votre compte en banque au ciel? J'aimerais premièrement spécifier qu'il n'y a rien de mal à posséder des biens matériels. Il n'existe aucun passage dans la Bible indiquant que nous ne devrions rien posséder. Au contraire, Dieu nous dit que plus nous sommes fidèles, plus nous serons bénis. Il n'y a donc rien de mal à posséder un trésor, puisqu'il est la conséquence des bénédictions de Dieu. Mais la question est de savoir où est ce trésor. Nous pouvons remarquer que Dieu nous avertit de ne pas accumuler nos trésors sur la terre, mais bien dans les cieux. Il ne nous défend donc pas de posséder des choses, mais il nous lance un avertissement. Quel trésor puis-je accumuler au ciel? Je ne peux assurément pas envoyer une automobile ou une maison là-haut. Or, voici le genre de choses qui peuvent s'accumuler au ciel. De bonnes œuvres, des bénédictions financières, des dons accordés à d'autres personnes, des services rendus aux autres personnes, et toutes ces choses qui peuvent aider notre prochain. Les Écritures sont très claires là-dessus. Si nous voulons accumuler un trésor au ciel, nous devons le faire en servant les autres, en faisant des dons financiers ou en investissant notre temps et nos talents pour répondre aux besoins. Nous pouvons également transmettre des enseignements ou prodiguer des conseils. Nous pouvons accumuler des trésors au ciel en donnant à l'œuvre du Seigneur et en aidant financièrement les autres. Je vous montrerai dans un instant comment accumuler ces trésors en m'appuyant sur un passage biblique. Ce passage peut parfois porter à confusion, et les gens se demandent comment on peut accumuler des trésors au ciel si on applique ce passage. Considérez ceci. Si les bonnes œuvres, les bonnes actions, les services rendus aux autres et les dons destinés à l'œuvre du Seigneur sont des manières d'accumuler un trésor au ciel, nous avons le privilège de le faire chaque jour et non seulement le dimanche quand nous donnons notre dîme. Nous pouvons aider, être une source de bénédiction et donner notre cœur à servir le Seigneur de multiples façons chaque jour. L'essentiel est de ne pas concentrer notre pensée sur ce que nous pouvons accumuler ici-bas, mais sur ce que nous pouvons accumuler là-haut, au ciel. Vous pensez peut-être, mais comment puis-je effectuer le transfert? Beaucoup de gens se posent cette question. Tournons dans l'Évangile de Matthieu, chapitre 19, où nous trouvons une explication très claire dans un verset simple. Ce passage nous enseigne comment nous pouvons transférer notre trésor au ciel. Il s'agit de l'épisode où un jeune homme riche s'approche de Jésus pour lui demander conseil. Il était riche, il avait donc beaucoup de biens matériels, mais il voulait savoir comment voir la vie éternelle. Lisons Matthieu chapitre 19, verset 21. Jésus lui dit, « Si tu veux être parfait, va, vends ce que tu possèdes, donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel, puis viens et suis-moi. » Jésus a dit à ce jeune homme ce qu'il devait faire pour accumuler un trésor au ciel. Que pouvons-nous comprendre de ce passage? Je tiens d'abord à préciser ce que nous ne devons pas comprendre. Jésus ne dit pas au jeune homme riche, « Tu dois sacrifier toutes tes possessions pour avoir un trésor dans le ciel. Abandonne tout ce que tu as pour avoir un trésor dans le ciel. » Vous devez bien comprendre ceci. Aucun autre passage dans la Bible ne prescrit que pour obéir à Dieu, vous deviez vendre toutes vos possessions et donner l'argent aux pauvres. En fait, plusieurs serviteurs de Dieu, surtout dans l'Ancien Testament, mais également dans le Nouveau Testament, étaient des personnes très riches. On peut penser par exemple à Abraham qui possédait de nombreux biens et Dieu ne lui a jamais demandé de tout donner. Il ne s'agit donc pas de donner tout ce que vous avez pour acquérir un trésor au ciel. Revenons au jeune homme riche. Cette personne avait un problème majeur d'idolâtrie. Il n'était pas question pour lui de se séparer de ses biens. Il prenait la première place dans sa vie. L'argent était devenu pour lui une idole. Mais Dieu lui répond, et il nous répond du même coup. Si vous voulez accumuler des trésors au ciel, donnez aux autres, sacrifiez ce que vous avez et suivez-moi. « Obéissez à mes commandements. Comment effectuer le transfert? En donnant ce que nous avons. » Nous pouvons donner tellement de choses. Quand nous donnons notre temps à quelqu'un, nous envoyons un trésor au ciel. quand nous donnons notre argent à quelqu'un ou pour l'œuvre du Seigneur, nous envoyons un trésor au ciel. Quand nous accomplissons de bonnes œuvres pour le Seigneur, en le servant selon sa volonté, nous envoyons un trésor au ciel. Si vous voulez envoyer quelque chose là-haut, voilà la façon de le faire. Inutile de s'inquiéter à savoir si tout cela va se rendre là-haut. Le comptable qui tient vos livres est le Dieu éternel tout-puissant, et il est absolument parfait. Je vous le garantis. Cela signifie que nous disposons de toute notre vie, dès notre conversion, pour envoyer nos trésors au ciel. C'est notre privilège. Nos bonnes actions, nos dons, accompagnés d'une bonne motivation et d'une bonne attitude, sont des trésors que nous envoyons au ciel. On me dit parfois, « Vous savez, j'aimerais bien envoyer tout ce que je peux là-haut. » Eh bien, n'attendez pas plus longtemps. Si vous accomplissez une bonne action, si vous donnez quelque chose, et si vous servez Dieu avec de bonnes motivations, il vous assure que vous accumulerez alors un trésor dans les cieux. La vie est courte, il faut donc agir maintenant. Parlons maintenant de sécurité. Les biens accumulés sur la terre sont-ils en sécurité? Et les biens accumulés au ciel sont-ils en sécurité? Posons-nous la question. Quel bien matériel sur cette terre est absolument à l'abri et hors de toute atteinte? Après y avoir bien réfléchi, nous devrons conclure qu'il n'y en a aucun. Nous pouvons équiper nos maisons ou nos véhicules de systèmes d'alarme. Nous pouvons mettre notre argent à la banque. Nous pouvons entasser des fortunes dans des coffres-forts et tant d'autres choses. Mais quelle garantie avons-nous que nous pourrons conserver toutes ces possessions? Quelqu'un pourrait les voler d'une manière ou d'une autre. Un tremblement de terre pourrait tout avaler. Une tornade pourrait les emporter. Une inondation les engloutir. Rien de matériel dans ce monde n'est absolument à l'abri. Faillite, poursuite judiciaire, crash boursier. Qui est à l'abri de ces choses? Rien de physique et de matériel n'est hors d'atteinte en ce bas monde. N'est-il pas insensé de passer tout son temps à accumuler, posséder et empiler toutes sortes de biens? C'est contre ce danger que la Bible nous avertit. Ne vous y laissez pas prendre, sinon vous aurez de mauvaises surprises. N'accumulez pas ici-bas. La Bible ne dit pas de ne pas posséder, mais de ne pas accumuler, de ne pas essayer de prendre tout ce que vous pouvez. Seul l'insensé se conduit de cette façon. Comment pouvons-nous appliquer ce verset aujourd'hui? La teigne et la rouille détruisent. La teigne, ou mythe, est un petit insecte qui ronge les vêtements. Dans le temps de Jésus, la plupart des gens du pays étaient pauvres et leurs possessions se limitaient presque à leurs vêtements. Ils étaient surtout fabriqués avec de la laine et les gens plus fortunés tissaient des filaments d'or sur leurs vêtements. Mais Jésus leur faisait comprendre que peu importe les vêtements qu'ils portaient, les mythes pouvaient les atteindre. Pour ce qui est du métal, la rouille allait s'en occuper. Il est intéressant de constater que lorsque les mythes rongent le vêtement, elles ne font aucun bruit. Il en est de même pour la rouille. La corrosion détruit silencieusement. Pourquoi alors gaspiller tout notre temps et notre énergie à accumuler et à accumuler encore? Toutefois, si vous accumulez pour donner, c'est différent. Mais alors, vos possessions ne constituent pas pour vous une nuisance. Si vous accumulez sur terre pour donner, vous accumulerez aussi dans le ciel. Mais si vous accumulez pour être en sécurité sur la terre, vous avez un problème. Jésus nous avertit dans ce passage de ne pas agir ainsi, car nous n'en tirerons aucun bénéfice. Il nous prévient de ne pas nous concentrer sur les choses terrestres. Les tornades et les ouragans, les inondations, les débâcles financières peuvent vous faire perdre en un instant ce que vous aurez mis des années à accumuler. Mais si nous obéissons à Dieu et que nous accumulons nos trésors au ciel, ils seront en sécurité. les barrières de fil de fer barbelés, les clôtures électriques, les systèmes de sécurité ne peuvent pas vraiment arrêter les voleurs. Ils ne peuvent que les ralentir. Or, si Dieu veille sur vos trésors dans le ciel, qui pourrait les dérober? Qui pourrait défier son omnipotence, son omniscience et son omniprésence? Absolument personne. Ce que vous envoyez au ciel est complètement et éternellement en sécurité. Personne ne pourra y pénétrer pour voler ce que vous aurez envoyé au ciel. Pourquoi alors passer sa vie et ruiner sa santé à accumuler et à posséder? Certaines personnes me disent « Mais je fais cela pour ma famille. » Est-ce vraiment une excuse? Quels sont les vrais besoins de votre famille? Une des pires choses à faire est de les gâter et de leur donner tout cuit dans le bec. Par exemple, donner de l'argent de poche à vos enfants sans qu'ils n'aient rien à faire pour l'obtenir. En agissant ainsi, ils n'ont pas à travailler pour obtenir ce qu'ils désirent. Vous les privez alors de l'occasion d'apprendre à développer leurs dons, leurs talents et leurs trésors. Ils se contenteront de gaspiller ce que vous leur aurez laissé. Et vous n'obtiendrez pas beaucoup de bénédictions de la part de Dieu en laissant cet argent à votre mort. Or, vous n'aurez pas le choix de le laisser à ce moment, n'est-ce pas? Vous n'aurez donc pas grand mérite. Mais si vous le distribuez maintenant, vous prenez librement la décision de le faire. Au lieu de l'accumuler, donnez-le maintenant et attendez de voir ce que Dieu va faire. Vous n'aurez plus à vous inquiéter des voleurs. Et ce que vous donnez à Dieu est à l'épreuve des ouragans, des tornades, des tremblements de terre, des voleurs, bref, à l'épreuve de tout. Parce que Dieu va prendre ce que vous lui donnez et il va le bénir et le bénir encore. Il agit de cette façon. Il est ce genre de Dieu. Il désire nous bénir. Faisons un inventaire de notre trésor. Nous avons la sécurité éternelle, nous sommes sauvés pour l'éternité. Nous jouissons de l'amour inconditionnel de Dieu. Nous entretenons cette relation avec Dieu. Nous sommes ses fils et ses filles. Notre trésor ne repose pas sur des choses. Il se trouve dans les choses spirituelles, les choses que nous envoyons là-haut, en aidant les gens et en donnant à Dieu pour son œuvre. Je vous invite à relever un défi. Demandez à Dieu de vous défier et faites un test financier avec lui. Demandez-lui combien il veut que vous donniez, puis attendez sa réponse. Je puis vous garantir une chose, vous ne pourrez jamais être plus généreux envers lui qu'il l'est envers vous. Et s'il vous demande de donner au-delà de ce que vous considérez raisonnable, essayez quand même. Car il dit dans sa parole, « Je me prépare à te bénir. Laisse-moi l'occasion et je te montrerai ce dont je suis capable. » Jésus nous a montré les choses telles qu'elles sont. Elles ne nous appartiennent pas, elles lui appartiennent. Nous sommes ses gestionnaires. Et rappelons-nous, nous devons investir dans les cieux et non sur la terre. Notre façon de traiter notre trésor révèle le genre de personne que nous sommes. Lisons l'Évangile selon Matthieu chapitre 6, verset 21. « Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. » Les Écritures ne disent pas que le cœur pourrait y être ou qu'il s'y trouverait peut-être dans la plupart des cas. Non. Là où est notre trésor, nous y trouverons aussi notre cœur, et ce, à chaque fois, sans exception. Je vous le répète encore une fois. La question n'est pas de ne rien avoir et de ne rien posséder. Ce n'est pas du tout ce que la Bible enseigne. Elle n'enseigne pas non plus que les gens riches ne pensent qu'à accumuler plus d'argent. Ce n'est pas nécessairement le cas. Il existe des gens très fortunés dont le cœur appartient à Dieu et dont le trésor est au ciel. Dieu leur permet de gagner cet argent afin qu'ils puissent le distribuer. Plus ils en accumulent, plus ils en donnent. Et plus ils donnent, plus ils reçoivent. Si mon attitude devant mon trésor est droite, et si j'exerce avec responsabilité ma fonction de gestionnaire, il n'y a pas de problème. Le problème est de savoir où se situe mon cœur. Si je mets tout mon cœur à obéir au Seigneur pour accomplir son œuvre, si c'est ma seule raison d'exister et si cette idée m'obsède, alors toutes les bénédictions qu'il m'envoie seront filtrées à travers sa volonté et il me montrera comment distribuer ces bénédictions et à qui les donner. Car je suis conscient d'être le canal et non le terminal de sa grâce. Je saurai exactement comment lui obéir et l'accumulation d'argent ne me posera aucun problème. Mais si je ne pense qu'à accumuler des trésors sur la terre, je deviendrai obsédé par les choses terrestres et je deviendrai en même temps obsédé par les choses du monde. D'un autre côté, si ma pensée est attachée au ciel, je sais que les seuls vrais enjeux de la vie appartiennent au domaine spirituel et non au domaine terrestre et matériel. Et si je marche dans l'Esprit de Dieu, je ferai preuve de sagesse dans la gestion de mes possessions et de mes trésors. Nous ne devons donc pas comprendre qu'il ne faut rien posséder, mais que nous ne devons pas être préoccupés par l'accumulation de biens matériels. Regardons maintenant le livre des Proverbes au chapitre 4. Nous y trouvons un passage important au verset 23. « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. » Je dois vous poser cette question. Quelle est la tendance de votre cœur? Est-il dirigé vers Dieu? Dieu est-il la personne qui compte le plus dans votre vie? Est-il votre obsession? Désirez-vous le connaître? Est-il l'objet de vos désirs? Travaillez-vous à approfondir votre relation avec lui? Cette relation avec lui est-elle plus importante que toutes les autres? Est-ce que toutes les autres préoccupations de votre vie passent en deuxième? Ou existe-t-il autre chose dans votre vie qui pourrait rivaliser avec lui? Car si votre cœur est véritablement voué au Seigneur, vous pourriez devenir un multimillionnaire sans que cela vous dérange, car vous saurez que votre véritable trésor n'est pas de ce monde, mais qu'il se trouve dans le Seigneur et dans son œuvre. Il se trouve dans votre obéissance à sa volonté. Le Seigneur, ne nous y trompons pas, connaît le problème des gens dont l'objectif dans la vie est d'accumuler toujours plus de biens terrestres. Ces derniers mènent une vie remplie d'inquiétudes. Ils se demandent combien ils ont accumulé, comment ils vont faire pour ne pas perdre ce qu'ils ont acquis, ou comment contrer les voleurs. Et quand leur conception des trésors n'est pas biblique, elle affecte leur vision de Dieu. Mais Dieu veut que leur vision soit claire, et tout ce qui les distrait, tout ce qui éloigne leur cœur de lui, tout ce qui les rend anxieux, inquiets, préoccupés, tout ce qui les rend incapables de garder leur cœur proche de lui est contraire à sa volonté. C'est pourquoi Dieu nous met en garde contre l'accumulation des trésors sur la terre. Il nous encourage à les accumuler dans le ciel, là où rien ni personne ne peut s'en accaparer. Car là où est le trésor de l'homme, là aussi sera son cœur, et son trésor révélera sa vraie identité. Un jour, nous comparaîtrons tous devant Dieu pour rendre compte de notre vie. Alors, je vous le demande encore, où est votre trésor? Est-il dans les choses matérielles? Est-il dans les relations avec votre famille et avec votre prochain? Ou est-il dans l'œuvre de Dieu? En envoyez-vous alors une partie au ciel tous les jours? Êtes-vous tenté de dire « Mais j'en ai si peu » Alors, considérez ceci. Imaginez une dame qui vit dans un petit logement. Chaque jour, elle appelle des gens pour les encourager. Elle prie quotidiennement pour ses proches, comme pour les missionnaires à l'autre bout du monde, à l'aide d'une liste de prières qu'elle tient soigneusement à jour. Avez-vous une idée des trésors qu'elle envoie au ciel chaque jour? La prière d'intercession est un moyen privilégié d'accumuler des trésors. Que vous donniez peu ou beaucoup, en donnant ce que vous avez, vous accumulez des trésors au ciel. Et même si vous n'êtes pas riche, vous pouvez accumuler des trésors au ciel en encourageant les autres et en priant pour eux. Nos journées contiennent 24 heures. Et à quoi servent-elles? À accumuler nos trésors au ciel en nous concentrant sur Dieu. Et un jour, nous serons absolument, totalement et éternellement émerveillés quand nous verrons le résultat de nos petits trésors accumulés de jour en jour. Nous aurons été fidèles en peu de choses, et Dieu les aura augmentés en fonction de notre fidélité. Et à chaque fois que nous envoyons un petit quelque chose, là-haut, Dieu est honoré et nous sommes bénis. Prions. Père, nous t'aimons et te glorifions. Tu nous as donné des principes profonds, mais tellement simples qu'un enfant peut les comprendre. Je prie aujourd'hui au nom de Jésus pour les gens qui ne t'ont jamais fait confiance comme sauveur. Je te prie de leur donner la sagesse de comprendre que tu veux pour leur vie ce qu'elle peut leur apporter de meilleur. Et le meilleur commence lorsqu'ils sont prêts à confesser leurs péchés et à donner leur vie au Christ, en croyant que sa mort au calvaire a payé entièrement la dette de leurs péchés. Nous, qui avons déjà fait ce pas, nous savons qu'au moment où ils te recevront par la foi comme leur sauveur personnel, leur vie changera complètement. Seigneur, tes enfants te prient d'être en mesure de dresser un inventaire de leurs trésors pour savoir où ils sont situés et où leur cœur se trouve aujourd'hui. Nous désirons faire tous les ajustements nécessaires pour pouvoir dire que notre cœur t'appartient, que nos trésors sont en toi et que notre désir est de marcher dans l'obéissance à ta volonté. Nous te demandons ces choses au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. À chaque jour, nous avons l'occasion d'envoyer des trésors dans les cieux. Mais la seule façon d'y parvenir est de garder les yeux fixés sur Dieu et sur son œuvre. Charles Stanley nous a encouragés à considérer attentivement nos buts et nos priorités afin de s'assurer que notre seul désir est d'obéir à Jésus-Christ. Dieu veut que nous donnions. Quand nous donnons au Seigneur avec la bonne attitude, nous sommes sûrs d'être bénis en retour. 2 Corinthiens chapitre 9 verset 6 exprime très bien cette vérité. Sachez-le, celui qui sème peu moissonnera peu et celui qui sème abondamment moissonnera abondamment. Vous avez faim, vous avez soif, votre estomac est vide, votre cœur aussi? Les déjeuners de l'espoir peuvent remplir l'un comme l'autre. Un repas délicieux vous sera servi. Ensuite, vous pourrez entendre comment Jésus a transformé la vie d'une personne qui demeure près de chez vous. Peut-être est-ce un voisin, un ami ou un parent. Venez voir. Contactez-nous au 1-877-LESPOIR, 1-877-537-7647 ou www.espoir.ca. Touchant le monde avec notre passion pour Dieu et notre compassion pour les gens, l'enseignement de Charles Stanley est une présentation de Ministère en Contact et une production de Radio Espoir.